Journal de Marie Bashkirtsev. 1873, janvier, à l'âge de 12 ans, Nice, promenade des Anglais, Villa Acquaviva. La tante Sophie joue au piano des airs petits russiens, et cela m'a rappelé notre campagne. J'y suis tout transporté. Et quel souvenir puis-je avoir de là, si ce n'est de la pauvre grand-maman? Les larmes me viennent aux yeux. Elles sont dans les yeux et vont couler à l'instant. Elles coulent déjà, pauvre grand-maman. Comme je suis malheureuse de ne t'avoir plus ici, comme tu m'aimais et moi aussi. Mais j'étais un peu trop petite pour t'aimer comme tu le méritais. Je suis tout émue de ce souvenir. Le souvenir de grand-maman est un souvenir respectueux, sacré, aimé, mais il n'est pas vivant. Oh mon Dieu, donne-moi du bonheur dans la vie et je serai reconnaissante. Mais que dis-je ? Il me semble que je suis dans ce monde pour le bonheur. Faites-moi heureuse, oh mon Dieu. La tante Sophie joue toujours. Les sons arrivent vers moi par intervalles et ils me pénètrent l'âme. Je n'apprends pas de leçons pour demain, c'est la fête de Sophie. Oh mon Dieu, donne-moi le duc de H. Je l'aimerai et je le rendrai heureux. Je serai heureuse moi aussi. Je ferai du bien aux pauvres. C'est un péché de croire qu'on peut acheter les grâces de Dieu avec les bonnes œuvres, mais je ne sais comment m'exprimer. J'aime le duc de H. Et je ne puis lui dire que je l'aime, et si je le lui disais même, il n'y ferait pas attention. Quand il était ici, j'avais un but pour sortir, m'habiller. Mais maintenant, j'allais à la terrasse dans l'attente de le voir, de loin, pour une seconde au moins. Mon Dieu, soulage ma peine. Je ne puis te prier davantage. Entends ma prière. Ta grâce est si infinie. Ta miséricorde est si grande. Tu as fait tant de choses pour moi. Cela me fait de la peine de ne pas le voir à la promenade. Sa figure s'est distinguée parmi les figures vulgaires de Nice. Vendredi 17 octobre. Je jouais du piano lorsqu'on apporta les journaux. Je prends le Galignani's Messenger et les premières lignes qui tombent sous mes yeux parlent du mariage du duc de H. Le journal ne tomba pas de mes mains. Au contraire, il y resta collé, attaché. Je n'avais pas la force de rester debout. Je m'assis et je relus ces lignes foudroyantes encore 10 fois, pour bien m'assurer que je ne rêvais pas. Oh, charité divine ! Qu'ai-je lu ? Mon Dieu, qu'ai-je lu ? Je ne puis écrire le soir. Je me jette à genoux et je pleure. Maman entre, et pour qu'elle ne me voie pas ainsi, je feins d'aller voir si le thé est prêt. Et je dois prendre une leçon de latin. Oh, torture ! Oh, supplice ! Je ne puis rien faire. Je ne puis rester tranquille. Il n'y a pas de parole au monde pour dire ce que je sens. Mais ce qui me domine, m'enrage, me tue, c'est la jalousie, l'envie, elle me déchire, me rend enragée, folle. Si je pouvais la faire paraître. Mais il faut la dissimuler et être calme. Je n'en suis que plus misérable. Lorsqu'on débouche du champagne, il mousse et se calme. Mais lorsqu'on entr'ouvre seulement le bouchon pour faire mousser, pas assez pour calmer. Non. Cette comparaison n'est pas juste. Je souffre, je suis brisé. J'oublierai, sans doute, avec le temps. Dire que mon chagrin sera éternel serait ridicule. Il n'y a rien d'éternel. Mais le fait est qu'à présent, je ne peux penser à autre chose. Il ne se marie pas, on le marie. Ce sont des machineries de sa mère. 1880. Tout ça pour un monsieur que j'ai vu une dizaine de fois dans la rue, que je ne connais pas et qui ne sait pas que j'existe. Oh, je le déteste. Je ne veux pas. Je veux le voir avec elle. Ils sont à Bade, Bade que j'aimais tant. Ses promenades, où je le voyais, ses kiosques, ses magasins. Relu tout cela en 1880, ça ne me fait plus rien. Aujourd'hui, je change dans ma prière tout ce qui a rapport à lui. Je ne prierai plus Dieu pour être sa femme. Me séparer de cette prière me semble impossible, mortel. Je pleure comme une bête. Allons, allons, ma fille, soyons raisonnables. C'est fini, eh bien, c'est fini. Ah, je vois maintenant qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Prépare-nous au supplice de changer de prière. Oh, c'est le plus cruel sentiment du monde. C'est la fin de tout. Amen. Samedi 18 octobre. J'ai fait ma prière. J'ai omis la prière pour lui et pour tout, enfin. J'ai senti comme si on m'arrachait le cœur. comme si je voyais emporter le cercueil d'un mort bien-aimé. Tant qu'il était encore là, ce cercueil, on est malheureux. Mais pas encore autant que lorsqu'on sent le vide partout. Je m'aperçois que lui était l'âme de ma prière qui est à présent calme, froide, raisonnable, tandis qu'avant, elle était vive et passionnée et brûlante. Il est mort pour moi, et on a emporté le cercueil. C'était une douleur mouillée, et c'est une douleur sèche. Que sa volonté soit faite. J'avais l'habitude de lui envoyer des signes de croix de tous les côtés, ne sachant où il est. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, et mon cœur bat. Je suis une étrange créature. Personne ne souffre que moi, et pourtant je vis, je chante, j'écris. Comme je suis changé depuis le 13 octobre, jour fatal. La souffrance est constamment sur ma figure. Son nom n'est plus une chaleur bienfaisante, mais c'est du feu, c'est un reproche, un réveil de jalousie, de tristesse. C'est le plus grand malheur qui puisse arriver à une femme. Je sais ce que c'est, triste moquerie. Je commence à penser sérieusement à ma voix. Je voudrais si bien chanter. À quoi bon maintenant? Il était dans mon âme comme une lampe, et cette lampe s'est éteinte. Il fait noir, sombre, triste. On ne sait pas de quel côté marcher. Avant, dans mes petits ennuis, je trouvais toujours un point d'appui, une lumière qui me guidait et me donnait de la force dans mes petites misères. Et à présent, j'ai beau chercher, regarder, tâter, je ne trouve que le vide et l'obscurité. C'est affreux, affreux, lorsqu'on n'a rien au fond de l'âme.